c'est un manège, c'est évident. Étourdissant, c'est bouleversant, évidemment. Incandescent, embarrassant pour les amants. Fluorescent, luminescent pour les enfants. Évidemment. C'est évident, tu as le temps. Évidemment que tu veux devenir un grand. T'es fatigant, t'es rendant et très usant. L'adolescent avec la palme du pichon. Évidemment. C'est évident et captivant. C'est très touchant, un contre-champ évidemment. Un contre-temps, c'est déroutant même en dansant. Pour une valse qui ne compte pas de temps. Évidemment. C'est évident, sauf en plein vent. De faire planer un cerf-volant, évidemment. Rajeunissant, divertissant et très grisant. Ça fait souvent se souvenir nos grands-parents. Évidemment. Les linceuls, les phrases répétées au micro et les gimmicks dans le studio. Tous les soutiens sur la tournée, vous êtes parrain de notre CD. Les fatigues d'après-concert et vos débriefs à bras ouverts. Tous vos messages d'avenir et vos visages pleins de sourires, on garde tout, on n'oublie rien, on pense à vous sur nos chemins. On vous amène partout en France et on raconte les grosses ambiances, aux gens qui courent, les guitares, tous les gourmands, tous les fêtards. Les friandises et les bêtises, les moments de crise et puis les pleurs, les larmes qui roulent sur nos joues, bien tous les remèdes face au dilemme. Les désimpôts, les exaltations, les petits lieux de confession, tous les problèmes aux solutions et les théories des illusions. À l'autre monde qu'on a bâti, à l'ombre d'une plume qu'on a suivi, au long discours qu'on a écrit au gouffre amer qu'on a enfoui. S'il est un rêve, évidemment, il faut le vivre sans perdre de temps. Jour après jour, on le construit. Vous êtes le vide qu'on a rempli. Y a pas d'entrave avant façon explorer tous les horizons, même s'ils sont morts, même s'ils font peur que l'on rejuge avec le cœur. C'est comme ça que l'on avance, vers vos soupirs, puis vos silences. Ne lâchez rien, on compte sur vous. Vivez vos rêves, même